Bonjour. Moi, je voulais pas reparler de ça, mais là, il y a une polémique. Il paraît qu'il y a une polémique. Moi, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je suis plus ou moins au courant. Mais ça se sent. Ça se sent que, oui, là, ça parle pas mal. Ça parle pas mal. Puis, moi, comme souvent, bon, ben, c'est comme si cette dame-là, moi, je la jugeais. Mais je la juge pas. Pas au sens comme on l'entend d'habitude. Je constate différentes choses qui sont des signes inquiétants. J'ai pas engendré une polémique. Ça a donné que j'ai été un des premiers, je pense, à dire quelque chose. Puis moi, j'ai essayé de prévenir qu'il allait avoir une polémique, c'est sûr. C'est certain qu'il allait en avoir une. Pourquoi? Ben parce que c'est inapproprié. C'est inapproprié. Si je suis attablé dans un restaurant, puis qu'il rentre une dame en brassière qui vient s'asseoir, je vais dire, ben, c'est inapproprié. C'est pas parce que je la juge. C'est une constatation. Puis aussi, je vais être inquiet, puis je vais dire, ben, cette dame-là va pas bien. Cette dame-là va pas bien. Expliquez-moi ça, vous. Expliquez-moi ça que, au niveau de gens qui font sa promotion, ils vont dénoncer des affaires comme Annie Besant, Blavatsky et compagnie. Mais finalement, cette dame-là, elle tient un discours, ça aurait pu être écrit par des théosophes, ça aurait, des anthroposophes ou peu importe, là. Peu importe. Non, je considère pas ces croyances alternatives-là comme de la diversité. Pas du tout. Je considère ça comme un poison. Je considère ça comme un poison qui a des fins politiques dedans, entre autres. Prenez, regardez, là, dernière affaire, là, qu'il y a eu, là, le dernier Dune de Villeneuve, son dernier film. Il y a un ésotériste qui en a fait une critique ésotériste. Faut vraiment pas connaître Frank Herbert. Il y a un sous-texte par rapport à cette histoire-là, justement, qui dénonce la manipulation des groupes occultes par rapport aux politiques, qui dénonce la fascination, justement, pour de l'ésotérisme, puis du mysticisme, puis de la façon que tout le monde est manipulé par ça, entre autres, puis qu'il y a tout le temps des agendas cachés. Mais non, eux autres, ils voient rien que ce qu'ils veulent voir. Ils voient rien que ce qu'ils veulent voir, puis c'est rendu que c'est un film ésotérique. Que c'est une histoire ésotérique, calice de gang d'innocents, vous comprenez rien, puis c'est vrai, là, faut être aveugle en crise. Écoutez-les, Frank Herbert, ce qu'il dit en entrevue, un homme très intelligent, puis je veux dire, c'est pas comme si c'était justement tellement codifié que ça, là. Je veux dire, c'est assez clair, à un moment donné, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Prenez la maudite théosophie. La maudite théosophie. Bon, regardez, là. C'est qui les premiers qui ont incinéré une dépouille? C'est eux autres. Ils ont fait, en Occident, je parle. C'est eux autres, ils ont fait ça à New York. Puis ça avait fait scandale dans le temps. Aujourd'hui, c'est la grosse mode. La majorité du monde, ils se font incinérer. Mais ça, c'est juste un exemple que je vous dis de l'influence. L'influence de ces affaires-là, puis comment c'est insidieux puis dangereux. Là, regardez, il étudie où, Gandhi? Où il étudie Gandhi? À Londres. Il étudie en Angleterre. Qui était dans ses contacts? La Blavatsky puis les théosophes. C'est pas d'hier qu'ils ont des agents ukrainiens. C'est quoi vous pensez, la Blavatsky? Il y a un aspect politique à ça, Chris, puis on dirait que le monde qui ont les yeux dans la graisse de bine du spirituel, ça, ils veulent pas le voir. Ils veulent pas le voir, sont menés par le bout du nez. Quand quelqu'un est là, les yeux vitreux, puis qui a l'air d'un état second, avec la tête qui vire d'abord, ben, des rires de même, puis là, j'ai déjà vu ça avant. J'ai déjà vu ça avant. Puis ce que j'ai exprimé, c'est une inquiétude. Une inquiétude, parce que je l'ai vu où ça mène souvent. Je l'ai vu où ça mène souvent. J'ai pas ben ben d'expérience en droit, même s'il m'est arrivé d'aller en cours. Puis que j'ai une certaine expérience en tant que demandeur. Par contre, toutes ces gugusseries-là, oui, j'ai une certaine expertise. Pour avoir pendant plus que deux décennies, côtoyer toutes sortes d'affaires de ce genre-là. Pas parce que j'étais adhérent, mais parce que j'étais observateur. J'étais observateur, puis je voulais voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière. Puis elle, je sens qu'il y a quelque chose en arrière, puis je sens un danger. Je sens qu'elle est manipulée par du monde, qu'eux-mêmes, il y a d'autres choses en arrière, puis d'autres choses en arrière, puis il y a tout le temps d'autres choses en arrière. Parce que c'est pas normal d'avoir une attitude aussi incohérente. C'est incohérent, c'est désajusté, puis c'est contre-productif, puis c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Le discours qu'il y a eu en avant du palais de justice à Québec, j'avais honte. J'avais honte pour elle. Puis pourtant, c'est pas de sa faute. On le voit bien. On le voyait. Mais à un moment donné, ça va faire. Alors regardez les crises, les anthroposophes, les écoles Steiner. Je me souviens d'un gars qui disait, quand j'étais enfant dans cette école-là, je me faisais harceler. Puis quand mes parents allaient voir la direction, ils disaient, ben, possiblement que votre fils, dans une autre vie, harcelait du monde, puis c'est un retour de karma. Ah, ben, calisse! Premièrement, jamais j'aurais placé un de mes enfants dans une école de style fou de même. Puis si un professeur ou quelqu'un de la direction avait osé me dire une affaire de même, je pense que j'y calisse une claque sa gueule, puis je dis, gars, tu vois, là, probablement que dans une autre vie, tu sacrais des claques au monde, puis c'est un retour de karma. Puis si tu comprends pas l'exemple que je viens de te donner, appelle-la la police. Appelle la police. À un moment donné, Chris, ça va faire. Est-ce qu'on est imbécile à ce point-là? Est-ce qu'on est idiot à ce point-là? J'ai bien peur que oui. Collectivement, en tout cas. Collectivement, en tout cas. Il n'est pas question que ça passe comme du beurre dans la poêle, une affaire de même. Je veux dire, de le voir, ça peut servir. Ça peut servir à pas répéter. Répétant inlassablement les mêmes erreurs que je jouais depuis 3 ans et demi. J'ai rien contre elle, moi. J'ai pas été méchant. Je veux dire, il y en a, là, ça, sont partis en peur. Ils la traitent de tout et non. Vous avez pas d'empathie, vous avez pas de compassion, vous le voyez pas. Vous le voyez pas que ça a pas de bon sens. Puis que la principale victime là-dedans, c'est elle. C'est elle. Puis. C'est bien de valeur, mais c'est parce qu'à un moment donné, ben, il risque. Même là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais on commence à voir certains traits qu'on reconnaît, que j'ai déjà vu ça avant. Là-dessus, oui, j'en ai une expertise. Toutes ces hosties d'affaires-là. L'autre à côté qui fait ses moudras. Hey! C'est quoi? C'est-tu approprié? Est-ce que c'est approprié? Ça a l'air de quoi? Prenez un pas de recul, puis mettez-vous dans la tête de quelqu'un de normal, hostie, une fois dans votre crise de vie, mettez-vous dans la tête de quelqu'un de conventionnel, de normal, c'est-à-dire une partie de la majorité du monde, si on peut dire, puis vous allez le voir que ça n'a pas d'allure d'agir de même, puis que ça peut rien apporter de bon. Chris, faites-le en cachette, vos gugus. Parlez-en dans des arrière-boutiques de nouvel âge, si vous voulez. Mais Chris, ça n'a pas sa place dans, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? C'est comme l'autre, là, quand il y avait des dépôts de mémoire dans le tank de Drainville, les accommodements raisonnables, puis tout, puis qu'ils allaient dire « On est né nu, on est né nu. » La madame dans le supramental, « On est né nu. » Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a passé à Infoman, puis ça a été la risée. Ça a été la risée. Ces affaires-là, ces maudites spiritualités alternatives-là, c'est entre autres, ça va avoir servi surtout à disloquer des sociétés, des communautés, puis des familles. C'est ça, le but de ça. Puis moi, je vois un agenda politique en arrière de ces hosties de croyances-là. Je veux dire, ça marche depuis, ça fait un bout, là, ça va faire plusieurs siècles. Tout ça qui commence parce qu'un gros Christ de despote de rouquin, le pape voulait pas qu'il divorce. Ça a parti de même quelque part. Il y en a qui ont compris le qu'on pouvait instrumenter le spirituel par rapport aux politiques, entre autres. Entre autres. Celui-là que j'ai trouvé le plus respectueux à date, c'est Pierre Blanchette. Puis même si on n'utilise pas les mêmes mots ni les mêmes formes, je pense qu'on perçoit la même affaire en arrière. Il y a quelque chose. Ça se sent, ça se voit. Puis les gens qui sont supposés être les plus évolués, les plus spiritualisés, les plus ceux qui ont le plus de connaissances, Christ, eux autres qui le voient moins, qui le voient le moins, c'est pas normal. Vous le voyez pas que c'est pas. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Toutes ces maudites sociétés secrètes-là, puis ces maudites croyances alternatives-là, ça va avoir nui d'une façon inimaginable. Inimaginable. Okay. Moi, j'ai plus envie de parler de ça. Par contre, on va faire un suivi de dossier dans le sens, moi, je veux voir la suite. Moi, c'est sûr que je vais regarder ça. Est-ce qu'elle va finir radiée à vie? Est-ce qu'elle va avoir des problèmes au niveau par rapport à l'État et ses enfants? Ça peut aller jusque-là. Christ, ils ont passé une loi. Vos enfants, c'est plus vos enfants. Puis rien qu'au Québec que c'est le même dans le pays. On a tout le temps les pires affaires. On a tout le temps les pires lois. On est la place la plus corrompue d'Amérique du Nord. Tout ce qu'on a fait de bon a été reviré à l'envers contre nous autres. Que ça soit ce qu'Alphonse Desjardins a créé, que ça soit l'Union des producteurs agricoles, tout ce qu'on a créé de bon est systématiquement retourné contre nous autres. Tout. Puis elle, je pense qu'elle se fait manipuler. Puis que ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, elle va desservir alors qu'elle était bien intentionnée, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis, on est naïf. On est tellement naïf, c'en est enrageant. C'est enrageant. C'est sûr que ça me met en colère, mais je suis même pas en colère contre elle. C'est rendu, quand tout le temps, je suis en colère à la place du monde qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne le voient pas. Ils vivent sur un nuage rose d'un vapeur. Le réveil va être brutal. On va dire que ça va faire. Mais je suis désolé pour ça. Mais comment vous voulez que je voie ça? Je l'ai déjà vu avant. Il y a un air de déjà vu. Une insupportable répétition. Puis, du monde, ils sont vraiment complètement détruits. Complètement détruit. C'est à un moment donné, ils ont assez d'éléments, puis là, tout d'un coup, il y a un mandat, puis là, c'est 48 heures d'évaluation à Pinel. Quelqu'un d'honnête puis de sincère, comme elle a l'air d'être, pensez-vous qu'elle va venir à bout de tromper? Vont le voir. Puis, ces fameuses croyances-là, qui peuvent être liées à son expérience personnelle, puis que dans le fond, ça devrait rester privé puis intime quelque part, ben ça va être vu comme des symptômes.